هذا تاني قلت لي Vous serez clinicien de séjour, d'accord, et vous aurez des vies humaines entre vos mains. Et vous serez responsable vis-à-vis de soi-même, de Dieu et de l'ensemble sur ce que vous faites, même pour une simple angine, d'accord. Donc ne pas assister au cours, c'est une grande bêtise. يُقْرَ الْعِلْمُ مِنْ أَفْوَاجِ الْعُلَمَاء. D'accord, attention, il y a des choses, il y a beaucoup de choses. Donc on dit, donc durant le cours, que vous n'allez pas trouver sur les polycopes. Il y a des choses de la pratique, d'accord, que vous ne trouvez jamais sur des ouvrages. Ok, sinon, chacun prend son petit coin et je fais médecine, football. Ok, je n'ai pas besoin de venir ici. D'accord. Attention, l'assiduité dans les stages, bon, pour le groupe de ce matin, donc essayez dans vos stages de toujours se munir d'un livre de sémiologie, quel que soit le module, quelle que soit la spécialité où vous en êtes. D'accord, c'est très important. Apprenez à faire l'examen clinique. C'est important. Et vous avez l'avantage maintenant d'avoir, même en internet, vous avez des vidéos qui vous montrent tout en détail. Même si vous notez l'absence donc, des assistants de service ou des résidents, donc tout ma tâche, d'accord, chez vous, essayez de voir ça sur des vidéos et de reproduire ça sur le malade. C'est un grand avantage que vous avez. Vous avez des malades qui sont accessibles, au contraire. Il aime bien se faire consulter par plusieurs médecins. Et il ne dit jamais non. D'accord? Soyez un peu plus assidu que ça. Bon, j'ai toujours dit ça. Une belle mère. Parce que je trouve que c'est un métier qui est assez noble et on est en train de l'écraser, malheureusement. Par nos mauvais agissements. Vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des malades. Il n'y a plus de respect pour le médecin. Et c'est à vous de créer ce respect pour soi-même. Vous voulez se faire respecter vous-même en assistant au stage régulièrement, en faisant ce qui doit se faire dans vos stages, assister aux cours, apprenez un minimum. Je ne dis pas qu'on est en train de vous donner un maximum, c'est vrai. Même nous-mêmes, à notre époque, j'ai terminé ma spécialité en 96. Et c'était plus assidu que ça. D'accord? C'était plus sérieux que ça. Et on allait au service et on ne ratait jamais nos stages et on ne trouvait personne pour nous encadrer. Au contraire, on s'accrochait, on s'acharnait, on ramenait le résident, on ramenait l'assistant de force. Expliquez-nous comment faire ceci, comment faire cela, expliquez-nous cette radio, expliquez-nous cette ECG, comment faire. C'est comme ça, comment ausculter, comment prendre l'attention, comment. C'est nous qui s'acharnons. Wallahi, c'est nous qui courons derrière eux. C'est vrai, c'est moins sérieux, mais à notre époque aussi, on était presque délaissés. C'était l'auto-formation. Et on n'avait pas assez d'outils quand vous. Vous avez assez d'outils, mais vous n'êtes pas assidus, malheureusement. Et on est en train de voir des vagues de médecins généralistes qui sortent. C'est des médecins orientateurs. Ils ne savent même pas faire un examen clinique. Wallah, ils ne savent même pas faire. Ils ne savent même pas rédiger une lettre d'orientation. Et c'est très grave pour un médecin. D'accord ? Donner des anti-inflammatoires que la malade fait une gastro-entérite, c'est très grave. Et c'est un cas à qui j'ai assisté récemment avec une parente à moi. Heureusement que je suis montée, et bien c'était un traitement précaire. Bon, trop, je me suis présentée, je me suis avec tous mes respects, mais il faut lire, il faut travailler. De tout, c'est un traitement insignifiant pour une gastro-entérite. Vous donnez des anti-inflammatoires, vous donnez des antalgiques. Vous tous des antalgiques. Vous savez que donc, le mode d'action des antalgiques, ce n'est pas des antispasmodiques, vous tous attention. Vous donnez des antalgiques, du paracétamol pour des douleurs abdominales. C'est pour vous dire que, c'est-à-dire à quel niveau on est arrivé. La balle est dans votre camp. Et je préfère que vous soyez de bons médecins, de bons généralistes. Et après, Inch'Allah, avec Tibarbi, de bons spécialistes. Mais essayez de faire un minimum dans votre formation. Des internes qu'on ne voit plus dans le service. C'est un stage pratique dans lequel vous apprenez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si vous voulez apprendre, ils sont absents. Un internat, c'est concours de résidana. Ils commencent déjà à lire pour le concours de résidana alors qu'ils ne savent même pas faire un examen donc, d'une gorge. D'accord, je ne dis pas cardiovasculaire, je ne dis pas pulmonaire, je ne dis pas autre chose. C'est très grave. Ok. Je ne me suis même pas présentée, je suis le docteur Boujada. D'accord, maître assistante en rhumatologie. D'accord. Voilà. On ne dit pas qu'on est parfait, nul n'est parfait. Et on est toujours en train d'apprendre. Croyez-moi que, c'est-à-dire, la science nous sert à faire son médecine. Et c'est une course. On remarque que c'est une course qu'on est en train de mener derrière cette science. D'accord ? Soyez au juste milieu. Je ne dis pas excellent, au juste milieu. D'accord ? Ok ? Bon. Donc, on va voir. Je ne suis pas très très niveau et très très. Je me suis habituée à donner des cours magistralement. J'ai toujours fait ça. Et j'ai remarqué que c'est tout le monde qui se lit maintenant dans le cœur. Et j'ai jamais, c'est la première fois que je présente un cours avec mon attachement. J'ai toujours présenté mes cours magistralement, sans aucun papier, sans aucune feuille. Et je fais mon cours de façon magistrale. D'accord ? Bon, si j'aurais donc un peu de. Excusez-moi, je ne suis pas, donc je suis pas très habituée sur ça. Ok ? Voilà. Bon, pour le cours d'aujourd'hui, donc il va porter sur la goutte. Est-ce que vous avez une idée sur la goutte ? Oui. C'est quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la définir ? C'est le trouble de métabolisme de l'acide urique qui va s'accumuler et faire des dépôts au niveau des articulations. Très bien, mais pas spécialement les articulations au niveau du gros orteil, structure au niveau d'autres tissus. Principalement les articulations, mais aussi donc les tissus mous et même le rein. D'accord ? Donc c'est quoi ? Donc c'est pas la peine d'écrire, je vais vous remettre en fin de séance. D'accord ? Le cours écrit, ajustez un peu au stylo. Donc essayez de faire photocopie et le passer à tout le monde. Ok ? Voilà. Mais du coup, je ne suis pas très très. Ok, voilà. Alors c'est quoi ? Donc la goutte, donc, c'est un trouble. Le métabolisme des purines, d'accord. C'est quoi les purines? D'accord. C'est quoi les purines? Les purines, ce sont donc des bases protéiques, voilà, donc qui entrent dans la constitution des protéines, donc les bases puriques. Vous avez l'adénine et le guanine. Très bien. Donc, c'est quoi la goutte? Vous avez donc une hyperproduction, d'accord, d'acide urique qui va engendrer secondairement un dépôt donc au niveau articulaire ou bien au niveau des tissus mous ou bien au niveau des reins dans ce qu'on appelle une goutte qui peut être soit aiguë soit chronique. D'accord ? Donc ce métabolisme des purines, comment il se fait ? Donc, vous savez très bien que les purines proviennent de la dégradation des acides nucléiques alimentaires, endogènes, mais vous avez aussi accessoirement, je ne sais même pas comment on a tenu la photo. Je vais expliquer. Donc, c'est une impression. Donc, pour le métabolisme des purines, il se fait donc à base. Donc, donc le métabolisme se fait à partir des bases puriques. Ces bases puriques proviennent de d'où? Ces bases puriques proviennent donc des acides nucléiques alimentaires, exogènes en quelque sorte. Vous avez les acides nucléiques endogènes et vous avez la purinosynthèse de nouveau. Commençons d'abord par les acides nucléiques alimentaires qui vont, ça c'est pour le métabolisme des purines, qui vont donner comme produit final quoi? L'acide. Très bien. Donc qui est donc l'acteur principal en quelque sorte de cette affection. Donc vous avez une dégradation des acides nucléiques alimentaires qui vont donner des nucléotides, puis des nucléosides, et sous l'effet de la xanthine oxydase donner de l'acide urique. Pour les endogènes, c'est-à-dire vous avez une lyse qui provient de d'où? Il provient, donc ces acides nucléiques endogènes proviennent de la dégradation de la lyse cellulaire, d'accord, ou bien du renouvellement de la lyse cellulaire au cours, par exemple, de certaines pathologies telles que les hémopathies, les lymphomes, les leucémies, telles que le psoriasis, la sarcoïdose, où vous avez donc c'est des pathologies où vous avez donc un renouvellement cellulaire pathologique qui se fait de façon anormale, ou bien au cours de la lyse cellulaire physiologique qui se fait au cours au niveau de l'organisme, on a une dégradation de ces acides nucléiques endogènes sous l'effet de l'HGPRT, l'hypoxanthine, guanine, phosphoribosite transférase, et qui vont donner comme produit de dégradation finale toujours, sous l'action principalement de cette enzyme. C'est important, je suis en train de vous citer ces noms, parce que c'est des choses que vous allez trouver dans les causes de certaines formes de goutte. Ok? Donc pour les endogènes, ça se fait sous donc, le contrôle de l'HGPRT, l'hypoxanthine phosphoribosyl transférase. Donc pour donner comme produit de dégradation finale, l'acide urique. Pour la purinosynthèse de nouveau, elle se fait donc au niveau du foie, d'accord? Et elle se fait sous l'action de la PRPP synthétase, la phosphoribosyl pyrophosphate synthétase, donc qui va transformer donc le 5-ribose-phosphate, donc suite à une succession donc de dégradation pour arriver toujours sous l'action de la principalement donc la phosphoribosyl transférase à le produit de dégradation finale qui est l'acide urique. D'accord. Donc ce sont les trois sources principales de l'acide urique. Donc, on assiste à des états d'hyperglycémie, soit par hyperproduction, soit par dépôt, d'élimination, et très souvent, ce sont les deux qui sont associés. Vous avez un état d'hyperproduction, vous avez un état de dépôt d'élimination. Une hyperproduction, donc vous avez plusieurs étiologies, on revient là-dessus, dans le volet étiologie. Ou bien vous avez un défaut d'élimination principalement au cours des insuffisances rénales, voilà. Et l'insuffisance rénale, elle est dans ce cas-là cause et conséquence de cette hyperglycémie. C'est-à-dire, une hyperglycémie chronique peut engendrer, si elle est méconnue, si elle est maltraitée, si elle est sous-traitée, d'accord, ou bien non-traitée, donc à un dépôt de ces cristaux d'urate de sodium au niveau donc, rénal, soit sous forme de calcul, soit au niveau donc du tissu, donc tubulo-intesticiel, carrément donc des dépôts qui vont engendrer des néphropathies et finir par une insuffisance rénale. Au contraire, une insuffisance rénale chronique donc aussi va engendrer un défaut de réabsorption tubulaire, d'accord, de l'acide urique, et vous avez une hyperglycémie chronique qui va s'installer engendrant une goutte. C'est pour ça qu'on dit que donc la goutte, elle est cause, conséquence. D'accord. Bon, pour suivre les tâches, le pronostic fonctionnel, il est principalement engendré par l'atteinte particulière, Cette atteinte articulaire, elle peut être mono-articulaire, oligo-articulaire ou polyarticulaire. Mono-articulaire, mono, c'est-à-dire une seule articulation. Oligo-articulaire, moins inférieur ou égal à 4. D'accord. Au-delà, on parle d'une atteinte polyarticulaire. D'accord. Donc, l'atteinte articulaire, elle compromet le pronostic vital. Fonctionnel, pardon. Voilà. Le pronostic vital, il est compromis par l'atteinte, surtout rien. Voilà. Alors, c'est une affection qui reste assez fréquente. Donc, ça varie de 5 à 15%. Quand même, c'est des chiffres qui sont alarmants. C'est des chiffres alarmants et surtout, surtout, ça devient de plus en plus fréquent. Pourquoi ? Parce que c'est une affection donc, qui est générale, donc qui est liée donc, à l'alimentation, à notre ration alimentaire. Et c'est une alimentation qui devient très riche. Donc, justement, en lipides, en glucides aussi, qui trouvent, il y a des voies de dégradation des glucides et lipides vers l'acide urique. Donc, c'est une affection, pourquoi ? Donc, elle devient, donc, c'est des sujets qui sont, donc, deviennent de plus en plus obèses et c'est des sujets qui sont, deviennent de plus en plus susceptibles à faire cette pathologie. C'est pour ça qu'on voit le taux de fréquence, si on voyait ces taux de fréquence les années 70 ou bien 80, c'était de l'ordre de 2%. Et actuellement, dans certains ouvrages, elle est de l'ordre de 15 jusqu'à 20%. Et c'est alarmant, 20% pour une population générale. D'accord ? C'est-à-dire 20 sur 100 personnes développeront une hyperglycémie ou bien une goutte. Bon, il faut nuancer entre le terme hyperglycémie et goutte aussi. Hyperglycémie ne signifie pas toujours goutte. On peut avoir un état d'hyperglycémie sans jamais faire de goutte. On dit goutte, c'est-à-dire vous pouvez faire un bilan chez un malade, chez qui donc vous suspectez autre chose, et vous demandez par exemple une femme enceinte qui présente une toxémie gravidique, d'accord, vous dosez l'acide urique chez elle et vous avez la surprise d'avoir donc une hyperglycémie chez elle, d'accord. Donc une hyperglycémie, c'est pas forcément une goutte. On peut faire une hyperglycémie qui reste asymptomatique. Asymptomatique. Tant qu'elle est asymptomatique, c'est-à-dire aucune crise clinique, aucune atteinte articulaire, pardon, aucune atteinte cutanée sous type de tophus, d'accord, c'est-à-dire par dépôt de sécrétions au niveau des tissus mous, aucune atteinte rénale, pas d'antécédent de lithiase ou bien de nécropathie urique, on n'a pas le droit de parler de goutte. On est en droit de dire hyperuricémie. Si, par contre, vous avez un seul épisode, d'accord, d'hyperuricémie, donc qui se suit, qui est donc suit d'une crise, par exemple, de goutte, ou bien vous trouvez des tophus, ou bien une néphropathie, on est en droit de parler de goutte. C'est-à-dire, l'hyperuricémie, quand elle devient symptomatique, on parle d'une goutte. D'accord ? Bon, c'est une affection donc, qui est plus fréquente chez l'homme. Elle touche principalement les hommes, 9 à 10 ans pour une femme. Chez la femme, généralement, c'est donc l'apanage des femmes en post-ménopause avec la prise de poids et tout. Okay. Et la prise de certains médicaments, donc surtout chez les cardiopathes, tels que les salicylés, les diurétiques et tout, qui sont très hyperglycémiants. Sinon, c'est une affection donc, qui se voit plus fréquemment chez les hommes plus que les femmes. Bon, je vais faire ce geste à notre reprise. Alors, pour les étiologies, pardon, pour les étiologies, vous avez donc les formes primitives, pardon. Bon, vous avez la goutte primitive. La goutte primitive, c'est-à-dire en l'absence de toute pathologie sous-jacente qui peut favoriser la survenue d'une goutte. On parle d'une goutte primitive. Elle se voit principalement chez les hommes, et c'est des sujets généralement suralimentés, obèses. D'accord ? Donc, le mécanisme, il est mal connu, mais on commence à connaître maintenant, là, donc, parce que bon, les sujets suralimentés, obèses, et on trouve maintenant des voies de transformation des lipides et des glucides vers, donc, l'acide urique. Donc ça s'explique. Vous avez aussi dans les formes de médecine, vous avez la goutte enzymopathie. C'est-à-dire, c'est des formes qui sont dues à un déficit ou bien à un excès d'action de certaines enzymes. C'est pour ça que j'ai parlé des enzymes tout à l'heure. Alors, principalement, vous avez donc le déficit en GPRT, hypoxanthine guanine, phosphohydroxytransférase. Donc, vous avez des sujets qui ont un déficit total. C'est une maladie congénitale à transmission récessive, d'accord, autosomes récessives. Et là, on a un déficit total en cette enzyme. Et c'est des sujets qui développent donc une goutte néonatale. Donc, une goutte à la naissance, c'est des gouttes qui sont mortelles. C'est des gouttes qui s'accompagnent de troubles neurologiques, de mouvements atéposiques. Et c'est des gouttes qui sont mortelles. Ok? Vous avez un déficit qui peut être, le déficit en AGPRT, il peut être dans ce cas-là non proportionnel, donc il n'est pas total. Et ça définit donc des gouttes généralement qui surviennent chez des sujets à un bas âge, généralement, donc 15-20 ans, c'est des sujets qui commencent à faire des manifestations donc, de gouttes, voilà. Et là, toujours chez un sujet jeune, quand vous avez une goutte. Et c'est des formes de gouttes qui sont très peu passées, c'est-à-dire ça accompagne beaucoup de dépôts. Donc, vous avez une hyperglycémie très élevée, ça accompagne de dépôts d'acide au niveau articulaire, source d'arthropathie très destructive, déformante, handicapante, ou bien au niveau cutané, donc source de tophie, de bursite, de télosinovite. Et c'est des gouttes qui se compliquent très souvent, et on en a vu donc, dans le service, généralement l'apanage, l'issue généralement est fatale, d'accord ? Par néphropathie goutteuse, et c'est des gouttes qu'on n'arrive pas toujours à bien juguler, vu donc, le taux très élevé d'acide urique. C'est vrai, actuellement, on commence à disposer de certains médicaments qui ne sont pas encore à usage. Donc, par exemple, chez nous, on les trouve presque jamais. Donc, qui commence quand même donc, à sauver ce type de maladie. D'accord ? Vous avez donc l'hyperactivité de l'HPP, donc de la phosphoribosine, phosphotransférase au niveau hépatique pour la purinosynthèse de nouveau. Quand vous avez une hyperactivité de cette enzyme, on assiste par l'hyperproduction, on assiste à l'hyperproduction donc, d'acide. Ok ? Pour les gouttes secondaires, c'est des gouttes qui sont secondairement face à la réaction. Donc, en chef de ligne, vous avez l'insuffisance rénale chronique, je ne reviens pas, donc qui peut être cause et conséquence de cette hyperglycémie. Les hémopathies, donc vous avez donc une liste cellulaire avec un renouvellement cellulaire donc, protéique, donc anarchique. On va citer toujours donc, un état d'hyperglycémie. Vous avez le trop étendu, le même mécanisme. Vous avez les causes, donc vous avez hypothyroïdie. Hypothyroïdie, pourquoi ? Vous avez un hypométabolisme général, d'accord ? Donc vous avez un hypométabolisme général, et on a aussi des états d'hyperglycémie. Vous avez aussi au cours donc, de la toxémie gravidique, les femmes enceintes, vous avez une toxémie gravidique. Toujours penser à doser l'acide urique, parce que donc, la toxémie gravidique, c'est un facteur néfaste pour donc, le rein de la malade, et vous avez un facteur qui vient se surajouter, qui est l'hyperglycémie, un troisième facteur, la tension artérielle. Donc vous avez trois facteurs, attention toujours, doser l'acide urique chez une femme, donc qui présente, même ça dire, surtout donc, pour le troisième trimestre, toujours doser l'acide urique. Pour moi, je le fais toujours, durant le troisième trimestre, toujours pour doser l'acide urique chez la femme, même si avec des chiffres en soi, mais ok, le mécanisme, il est macro. Madame, seulement à partir de la troisième et quatrième trimestre, c'est tout. Pardon ? À partir de la généralement, troisième trimestre, généralement. Après ou avant ? Oui. Non, si la malade présente une toxémie apparente, durant toute la surveillance de la grossesse, il faut toujours surveiller le taux d'acide urique. Ok ? Et vous avez donc les causes iatrogéniques, vous avez certains médicaments qui sont hyperglycémiants, et surtout, principalement, pour les cardiopathes, et c'est une cause assez fréquente donc de gouttes qui sont donc les salicylés, gardez ça en tête, les salicylés à dose très faible à vos peines, acides, bon, à des doses très très faibles. Et vous avez aussi les diurétiques, principalement les diurétiques thiazidiques. D'accord ? Voilà. Et là, pour l'arrêt dans le traitement, pour l'arrêt de ces médicaments, il faut vraiment peser le pour et le contre pour le malade, pour donc, son pronostic cardiaque. Ok ? Chez la femme qui est diffusable au niveau du sang et 70 chez l'homme. D'accord ? Donc 60 chez la femme, c'est le taux sanguin, c'est le taux le plus élevé qu'on peut tolérer au niveau sanguin. D'accord ? Chez la femme, c'est 60 mg, donc c'est l'équivalent de 400, 360 micromol par litre. Et chez l'homme, c'est de l'ordre de 70 mg par litre, qui est de l'ordre de 420 micromol par litre. Au-delà de ces chiffres, on parle d'hyperuricémie. D'accord ? Donc chez la femme, c'est 60, chez l'homme, c'est 70. Alors, pour les sorties, donc l'acide urique, donc l'élimination de l'acide urique, elle se fait principalement par voie urinaire. D'accord ? Presque 800 mg donc, de ce fumicide est éliminé par voie urinaire. Ok ? Sous forme d'acide urique. Okay. Et pour l'uraturie des 24 heures dans ce cas-là, elle ne doit pas excéder chez un sujet normal les 650, maximum 700. Au-delà de 650-700, on parle d'hyper-éliminateur d'acide urique. Et là, c'est des sujets qui sont exposés à quoi ? Quel type de complications ? Rénale. Des lithiases rénales à répétition, et on parle dans ce cas-là de sujet pondeur de lithiase. Et il faut toujours savoir analyser ce type de lithiase pour pouvoir discerner entre une nature urique et une nature calcique. D'accord ? Une nature urique et nature calcique, donc c'est des sujets, donc on dit pondeur de lithiase. Bien sûr, avec le risque de dépôt au niveau donc néphro-interstitiel. D'accord ? Voilà. Bien sûr, une élimination donc, intestinale accessoire qui est de l'ordre de 150 à 250 à 200 mg sous forme d'alimpoïde. Et elle est donc indosable. On ne peut pas la doser, on ne peut pas la chiffrer. Il n'y a aucun examen qui permet donc de la chiffrer ou bien la doser. Donc, pour détecter les sujets hyper ou bien hypo-éliminateurs ou bien normo-éliminateurs, on dose l'uraturie des 24 heures. D'accord ? Parce que c'est impératif de le faire, c'est pour essayer en quelque sorte de filtrer donc, les types de malades qui nécessitent, par exemple, tel type de traitement et telle surveillance. D'accord ? Il y a des sujets goûteux, normaux éliminateurs. Ok ? Voilà. Alors, le schéma de dégradation, donc, un petit rappel, vous avez les acides nucléiques, donc, qui se transforment en acides adéniques et guanidiques, adénine, guanine, sous l'effet de la GPRT, d'accord, voilà. Vous avez donc l'acide anhydrinosinique se transforme en hyposantine et sous l'action de la pyrosantine oxydase, donc se transforme en acide. Ici, c'est la pyrinosynthèse de nouveau. D'accord ? Donc à gauche, pardon, à droite, vous avez donc la myosine phosphate sous l'action de l'énergie, elle a besoin d'ATP, d'accord? Et sous l'action de la phosphoribosyle, donc pyrophosphate, synthétase, se transforme en phosphoribosyle lamine, qui elle-même se transforme en acide inosinique et reprend le même cycle. Ok, il faut vous enzymes, et enfin acide. C'est clair, oui. Parce que vous risquez de trouver ces schémas sur plusieurs ouvrages et vous devriez quand même comprendre comment ça se passe. Alors, sur le plan clinique, on revient à la clinique. Donc, pour la clinique, vous avez, pour définir deux types de tableaux, vous avez la goutte aiguë ou bien l'accès aigu et vous avez la goutte chronique. Donc, la goutte aiguë, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet chez qui, donc qui fait une hyperécémie, peut-être méconnue, qui fait pour la première fois un accès ou bien une douleur aiguë qui siège généralement et préférentiellement au niveau de la première MPP, la première métatarso-phalangienne. Mais elle peut siéger donc, sur plusieurs sites, principalement, c'est vrai, la métatarso-phalangienne, principalement les articulations des membres inférieurs, jamais la hanche, et jamais le rachis. D'accord? À la différence d'une autre pathologie, d'accord, qui peut donner un tableau clinique similaire, mais avec des dépôts calciques, dans ce cas-là, qui est la tendocalcinose articulaire. Pour la tendocalcinose articulaire, donc, elle touche la hanche et elle touche l'axe rachidien. D'accord? La goutte, donc, elle exclut la hanche et l'axe rachidien, cervical, dorsal et lombaire. Pour la goutte chronique, quand est-ce qu'on parle de goutte chronique? Goutte chronique, c'est-à-dire quand vous avez un patient qui fait justement plusieurs poussées, d'accord? Chez des sujets généralement qui sont soit méconnus pour ce diagnostic de goutte, soit maltraités, soit non traités carrément. Parce qu'il y a des malades qui refusent le traitement. Et là, vous avez, donc ça définit donc un dépôt d'acide urique au niveau tissulaire, d'accord, et au niveau articulaire et au niveau rénal. Tissulaire, d'accord, définissant ce qu'on appelle donc l'étophie. Articulaire, l'arthropathie goutteuse, rénale, la néphropathie goutteuse. Pour l'accès aigu, on revient à la goutte. C'est clair jusque-là? C'est clair? Pour la goutte aiguë, donc on a dit qu'elle touche préférentiellement donc la première métatarso-phalangienne, c'est-à-dire la métatarso-phalangienne du gros orteil. Comment ça se déroule cet accès? Vous avez un état d'hyperglycémie, donc ce taux d'acide urique en excès au niveau plasmatique va se déposer au niveau, pour l'accès aigu, va se déposer au niveau articulaire. Au niveau articulaire, au niveau de la synoviale et des structures articulaires, principalement la synoviale, mais il peut se déposer même au niveau de la capsule, donnant une bursite, au niveau des tendons, donnant une tenosynovite, d'accord, ou bien une tendinite, d'accord. Donc, au niveau articulaire, vous avez un dépôt d'acide urique au niveau de la synoviale qui va engendrer toute une cascade de syndromes inflammatoires avec sécrétion de substances pro-inflammatoires, principalement l'interleukine 1, dans ce cas-là, d'accord, principalement l'interleukine 1, qui va engendrer une douleur avec un syndrome inflammatoire très aigu et très douloureux. D'accord? Au niveau du site articulaire. Pour les sites, préférentiellement, je le répète, c'est la métatarsophalangienne, le gros orteil. Mais ça peut toucher le tarse. Le tarse, c'est-à-dire, vous connaissez c'est quoi le tarse? Vous avez le tarse, voilà. La cheville, le genou, d'accord? Et c'est les atteintes les plus électives en matière de goutte. Pour le membre inférieur, vous avez une atteinte préférentiellement pour le poignet, le coude, les petites articulations des mains et accessoirement, vous avez aussi les épaules. D'accord? Jamais, gardez ça en tête, jamais l'ange et jamais le rachis. Ok? Voilà. Donc, comment ça va donc survenir? Donc, c'est chez certains patients. Donc, ça commence généralement par des prodromes qui sont donc négligés par le malade. Ces prodromes, généralement, c'est un état subfébrile, une sensation de malaise général, parfois même un tableau digestif, d'accord, à type de constipation, de diarrhée, de douleur abdominale inexpliquée. Donc, et c'est des prodromes qui précèdent donc, l'accès de cette goutte aiguë. D'accord. Vous avez généralement des facteurs déclenchants, mais ces facteurs déclenchants peuvent manquer. Ils ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent manquer. Donc, ces facteurs déclenchants, vous avez une suralimentation en protéines. Voilà. Donc, aliments riches en purines. Et pour les aliments riches en purines, vous avez les viandes rouges, même blanches. Même blanches, attention. Viande rouge, les crustacés, les abats, c'est très riche. L'alcool, attention. Le café, attention. D'accord. Vous avez certains donc, légumes, vous avez des artichauts, vous avez les choux, vous avez les épinards. D'accord, ils sont très riches en protéines. Vous avez donc les céréales, c'est très riche en protéines, voilà. Donc, une suralimentation en protéines, soit un excès d'alcool. Donc, une infection intercurrente peut, chez un sujet qui fait un état d'hyperuricémie quiescente, c'est-à-dire non symptomatique, asymptomatique, donc une infection, une intervention chirurgicale, un deuil, un stress, une intervention chirurgicale, d'accord, un traumatisme, tout ça peut être donc, des facteurs déclenchants pour une crise de goutte. Pour la crise de goutte, donc, un sujet qui dort la première moitié de la nuit, c'est une douleur insomniante, lancinante, très intense, qui réveille d'ailleurs les malades, le décrivent très très bien, il vous dit, donc dès que j'ai eu cette douleur, je la tolère pas, je la tolère pas du tout, je sens que quelque chose, donc je sens une sensation de broiement à l'intérieur de mon articulation, c'est une douleur très très violente, d'accord, au point de ne même pas tolérer le drap sur son articulation, même pas un drap, même pas, d'accord. Et à l'inspection, d'accord, donc à l'inspection, quand on inspecte donc, l'articulation, c'est une articulation qui est enflée, très rouge, très inflammée, parfois même violacée, d'accord. Chaude. Pardon. Chaude ou non. Pardon. Chaude. Très chaude, bien sûr, au palpé. À l'inspection, non. Je suis toujours donc à l'inspection, on n'est pas encore à la palpation, donc... À l'inspection, elle est très avec une turgescence des veines sous-jacentes, d'accord. Parfois même une collection purulente. C'est des patients qui viennent avec une collection purulente, puriforme, pardon, je n'ai pas le droit de dire purulente, parce que si je dis purulente, c'est-à-dire que ça, un germe puriforme, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect d'un abcès, et ce n'est pas un abcès, c'est une collection. Donc, en acide urique, c'est un liquide inflammatoire très riche en acide urique. On dit donc ça donne un aspect puriforme, comme le peu. Et là, il y a des patients qui ont été pris à tort et traités à tort pour des arthrites septiques, alors qu'il s'agit d'une poussée, donc d'une crise de goutte, d'accord. Et c'est des malades même qui sont passés à la chirurgie, qui ont été opérés à tort pour des crises de goutte et pour des arthrites septiques. D'où l'intérêt de toujours faire une étude cytologique et bactériologique. C'est vrai, devant tout accès aigu comme celui-là, c'est impératif. Vous serez, donc, vous auriez vraiment tort si vous ne pensez pas à une arthrite septique devant un tel tableau clinique. Vous êtes donc en droit et dans le droit le plus absolu à penser à une arthrite septique. Et vous devriez impérativement faire une analyse du liquide synovial, d'accord. Vous faites une analyse bactériologique, éliminée une arthrite septique, parce que vous avez des accès aigus qui greffent, et c'est des articulations qui sont très vulnérables, qui greffent, d'accord, des germes sur une arthrite, donc aiguë, goutteuse. Donc l'étude bactériologique, elle est impérative. Ok. Donc, vous avez le droit donc, de penser à une artrite septique, mais c'est des sujets. Donc, si on fait une étude cytobactériologique, on affirme bien, on confirme s'il s'agit d'une crise de voûte ou non. Donc, et à l'examen clinique, la mobilité, elle est presque impossible. Le malade ne tolère même pas le toucher superficiel de vos doigts. C'est une douleur très violente. D'accord ? Et là, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une conduite à adopter. Bon, c'est une première. Donc, vous avez le site qui est élective, bien sûr. Donc, on est en droit, dans ce cas-là, de faire ce qu'on appelle un test thérapeutique. Un test thérapeutique à la fois, parce que vous connaissez le médicament de choix pour la crise de voûte. La colchicine. La colchicine, très bien. Devant un tel tableau, toujours faire un test à la colchicine. D'accord ? Bien sûr, sans jamais s'en passer des autres examens. On fait un test à la colchicine qui sera un test diagnostique à la fois et thérapeutique à la fois. Un test diagnostique parce qu'il permet donc, d'atténuer la douleur en 24 à 48 heures s'il s'agit réellement d'une crise aiguë de voûte. D'accord ? Et thérapeutique, il ne traite pas l'hyperglycémie. Bon. J'insiste là-dessus parce que on reçoit beaucoup de malades qui se font traiter par la colchicine pour une goutte. Attention, la colchicine, c'est un traitement de l'accès, c'est-à-dire on traite l'accès inflammatoire. On ne traite pas l'hyperglycémie. D'accord ? On traite l'accès inflammatoire propre à la goutte. Il est très sensible à la colchicine. Mais l'hyperglycémie, elle n'est jamais influencée par la colchicine. Ok ? Donc, c'est vrai, par la suite, il va falloir, c'est à vous de titrer les malades, voir si c'est un malade qui relève d'un traitement chronique de fond, si c'est le premier épisode. Un premier épisode ne relève jamais. Donc, ce n'est pas un malade qui relève d'un traitement de fond. Il faut surveiller, d'accord ? Il faut donc traiter la crise aiguë, faire un régime et surveiller. Le traitement de fond, qu'on verra par la suite, donc, il revient au malade qui présente des accès à répétition ou bien chez un patient qui se présente pour un accès aigu mais qui a déjà des antécédents ou bien sur le plan clinique, il a des signes de voûte chronique. Vous trouvez des confuses, vous trouvez des arthropathies erratiques. Vous trouvez déjà des antécédents de lithiase urique, des dents. Vous trouvez des signes d'insuffisance rénale. Là, c'est des patients déjà au stade de chronicité. Même si c'est le premier accès qu'il fait, parce qu'il y a des formes qui peuvent évoluer à bas bruit, d'accord, méconnues par le malade. Et là, c'est des patients qui relèvent d'un. Mais si c'est un patient qui fait pour la première fois donc, un accès aigu chez qui tout l'interrogatoire et l'examen clinique. Donc, ne prédit pas dans ces saisons de goutte, vous n'êtes pas en droit de donner un traitement de fond. Plutôt, on traite à la colchicine, bien sûr, et on va surveiller l'uricémie de façon régulière. Ok ? D'accord ? Madame, pour une crise goutteuse, est-ce qu'on va faire le test thérapeutique avant ou après l'étude cytobactériologique ? Avant ou après ? Avant ! Parce que la colchicine, Non, des faux négatifs. Elle ne fausse jamais l'étude bactériologique. La colchicine, elle a une action anti-inflammatoire. Elle a purement. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je ne veux rien entendre. Donc la colchicine, elle a une action purement anti-inflammatoire. Ok ? Elle n'a pas d'action hypoglycémiante. C'est vrai, elle a une action anti-inflammatoire spécifique à la goutte. Bon, maintenant. C'est le phénomène inflammatoire, d'accord, qui est influencé principalement donc par le mode d'inflammation de la goutte, qui est influencé par la colchicine. Ok, d'accord, voilà. Et même le taux d'acide urique, très souvent, il est normal au moment de la crise. Si on s'amuse à faire un dosage d'acide urique, il est très souvent normal. Je vous pose la question, pourquoi ? Le taux d'acide urique, très souvent, il est normal au cours d'une crise aiguë de la goutte. Parce qu'on a dit la première fois. Pardon ? Parce qu'il est, il s'est déposé au niveau des articulations, au niveau tissulaire, d'accord. Donc ça va fausser donc le taux d'acide urique. Donc devant tout accès aigu, si vous faites un dosage d'acide urique, vous le trouvez élevé, et bien tant mieux. Si vous trouvez, si vous suspectez fortement le diagnostic de goutte, et que, c'est-à-dire bien sûr, vous avez éliminé principalement donc, l'origine septique, là, il faut savoir toujours répéter un dosage de l'acide urique dans les 10-15 jours après, et vous allez le trouver dans ce cas-là, il va rehausser et revenir à ses chiffres antérieurs. C'est clair ? Oui. Oui. On utilise le traitement de l'accès inflammatoire. Est-ce qu'on peut la considérer comme un traitement symptomatique ? Oui, c'est un traitement symptomatique. C'est pas un traitement de fin. Pardon ? Curatif ? Oui. Non, pour le traitement curatif, c'est-à-dire pour un premier accès. Bon, j'ai pas envie d'entamer le volet thérapeutique parce qu'on va en parler de tout ça. Parce qu'il y a plusieurs formes et c'est pas une prise en charge stéréotypée. C'est une prise en charge qui se fait cas par cas. D'accord ? Chaque patient, il faut le traiter à part. Parce que ce n'est pas une prise en charge stéréotypée. Chaque patient, comment vous allez le trouver ? Goutte aiguë, chronique, premier accès, deuxième accès. Est-ce qu'il a des antécédents de lithiase ? Pas d'antécédents de lithiase. Il fait une hyperuricémie très élevée. Parce que des fois, c'est vrai, on n'est pas en droit de traiter une hyperuricémie isolée asymptomatique, sans antécédent particulier. On n'est pas en droit de la traiter. Mais on revient là-dessus, donc sur des chiffres très élevés, par exemple, des chiffres qui excèdent les 90, supérieurs ou égaux à 90 mg par litre, et bien maintenant ils disent qu'il faut traiter même si c'est asymptomatique. Ok ? Donc c'est des cas par cas. C'est pas possible de. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plaquer la prise en charge des malades sur. Non. Ok ? D'accord ? Ces accès aigus, ils peuvent avoir donc d'autres formes que bon, cet accès, la forme pseudo-phlegmonose, celle que bon, je vous ai parlé tout à l'heure, la forme pseudo-septique, c'est pour ça qu'on dit phlegmonose, parce que vous avez une collection, vous avez une collection pluriforme en regard de la situation touchée. Okay. Et vous avez les formes atténuées dites asthéniques. Les formes asthéniques, c'est-à-dire, c'est des formes donc, qui donnent une douleur plus ou moins inflammatoire, qui peut réveiller le malade parfois la nuit. Elle est parfois juste des douleurs mécaniques, d'accord ? Donc, c'est des formes qu'on dit asthéniques, ou bien des formes atténuées de la goutte. On peut avoir, au cours d'un accès aigu pour la première fois, une atteinte qui peut être soit mono, oligo, ou bien polyarticulaire, bien sûr, pour les mêmes sites dont on a parlé tout à l'heure. Ok ? C'est clair ? Voilà. On peut trouver un UVS donc normal devant des formes asthéniques. Attention, attention. Ok. Donc la formule, vous avez un état d'hyperleucocytose, mais qui est d'ordre inflammatoire. D'accord. Vous avez une hyperleucocytose apolinéaire, mais qui est inflammatoire. Bon, il va falloir toujours poser une glycémie, peut être normal, j'en reviens pas là-dessus, et l'étude du liquide synovial. Donc c'est elle. J'étais en France en 2005. Et bon, je voulais voir comment ça se passe dans le bateau chez eux. Et je suis passée dans le service pour assister à un colloque. Alors j'ai assisté à un colloque Bon, je vais présenter des cas. Et pour un accès de goût, un sujet douteux, on est passé à faire hier, mais on discutait. Bon, j'avais dit du goût, pardon monsieur. Bon, si je peux intervenir, moi je dis vas-y. Je pense qu'il y avait un examen très simple. Très simple. Donc, pas coûteux du tout à faire. Faire une petite ponction du genou chez ce malade et faire une étude cytologique et en recherche des cristaux durables de sodium. Je pense que c'est très simple. Wallah, croyez-moi, il est resté ému. Comme ça. Il a dit c'est vrai. Attention. Parfois, il y a des gestes qu'on perd de la pratique quotidienne et qui gardent quand même une valeur. Pour le moment. Assez. Oui. Ils sont passés à l'IRM et ils étaient en train de discuter les images IRM d'une goutte. Et on n'était pas certifié si c'était une goutte ou pas. Une ponction, une petite ponction, toujours devant tout accès, donc de préférence, faire, bon, surtout si c'est une articulation accessible, parfois un accès peut toucher la première, donc l'IPD, le troisième rayon, le quatrième. Et l'IPD, c'est pas facile donc, à fonctionner, sauf si vous trouvez une petite collection phlegmoneuse qu'on peut. Voilà. Pour les articulations accessibles, l'idéal est principalement pour le genou, aussi pour la cheville, le poignet, pour quelqu'un qui a la main. Donc on fait une petite ponction, on retire. Donc on essaie de retirer un peu de liquide et on fait une étude cytologique. Alors l'étude cytologique. À la recherche de quoi? De cristaux durables de sodium. Voilà. Et ces cristaux, ils sont caractéristiques et il faut seulement les différencier des cristaux de pyrophosphate de calcium dans la chondrocalcinose articulaire. C'est pour ça qu'on insiste sur la description et la biréfringence de ces cristaux. Les cristaux durables de sodium, c'est des cristaux qui sont donc, effilés sous forme d'aiguilles. D'accord ? Voilà. Et qui sont irréfringents à la lumière polarisée en intracellulaire et en extracellulaire. Par contre, les cristaux de pyrophosphate de calcium, c'est sous forme de carrés, de bâtonnets, carrés, bien rectangulaires, et qui ne sont pas irréfringents à la lumière polarisée, à la différence des cristaux durables de sodium. Et c'est un très très bon moyen de diagnostic. Ok, quand on dispose d'un simple microscope optique. C'est clair? Alors, la boucle chronique. Je le répète là-dessus. Donc, la boucle chronique, c'est l'apanage de quoi? C'est l'apanage des formes méconnues. C'est important. Il y a des sujets méconnus, maltraités, bien sous-traités ou sous-traités. D'accord? Donc, pour les corpus, donc c'est quoi cet opus? Regardez sur le pavillon de l'oreille. Regardez très bien ce que vous voyez. C'est concrétion blanche au niveau de l'antélix et l'hélix. Ok? Vous les voyez très bien. Là. Là. Ok, vous les voyez. C'est clair. C'est des concrétions blanches, d'accord? Qui peuvent aller de la taille d'une tête d'épingle jusqu'à la taille d'une orange. D'accord. Oui. Oui. Non, non, non, pas spécifiquement sur l'oreille. C'est la plus durcie. Ceci pour les. Donc, elles peuvent siéger au niveau de tout le tissu conjonctif. Même au niveau oculaire. Attention. Oui, même au niveau oculaire. D'accord. Ils peuvent siéger au niveau oculaire. Donc, ça va de la tête, d'une tête de la taille, d'une tête d'épingle, jusqu'à une rose. Donc, orange. Et il faut savoir les rechercher. Vous avez des sites électifs. D'accord. Principalement au niveau de, donc, du pavillon de l'oreille, au niveau, on regarde les faces d'extension. Les faces d'extension des sites articulaires, d'accord, il faut les rechercher à ce niveau-là. Au niveau des bourses séreuses, en temps, au niveau donc, face d'extension, au niveau donc soit les bourses, soit les tendons. Ok, soit en intra-articulaire et en intra-articulaire. C'est des cristaux qui sont radio-transparents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les visualiser sur une radiographie normale. Sauf si vous trouvez un tophus calcifié, c'est-à-dire un tophus qui a séjourné longtemps sur un site, il peut se calcifier secondairement et devenir radio-opaque à la radiographie. calories. Mais sinon, donc normalement, donc les cristaux d'urate de sodium, ils sont radiotransparents. D'accord, c'est clair. Donc savoir les rechercher au niveau donc, je le répète, pavillon d'oreille, les phases d'expansion, les articulations et les bourses séreuses en préarticulaire. Voilà. D'accord. Donc en préarticulaire, ils peuvent te donner des tendinites, des tenosynovites, des bursites. Je vais vous montrer l'image. Regardez, un bursite polycrânien et devant. Vous savez, vous voyez la collection, c'est très facile à fonctionner. Retirer, faire une étude bactériologique impérative, d'accord, impérativement, je dis bien impérativement, et recherche de cristaux durables de sodium sur, donc, pour l'étude histologique. Des bursites polycrâniennes, des bursites pré-rotuliennes, des bursites achilléennes, c'est très fréquent. Ok, voilà. Cet ophus, donc, je me répète, ils peuvent donc siéger au niveau en intra-articulaire. Et là, pour les visualiser, c'est très difficile à la radiographie. Donc, une radiographie, la radiographie chez un sujet qui présente pour la première fois un accès aigu de goutte n'a pas une grande valeur diagnostique. D'accord ? Sauf si c'est une articulation qui a été victime pour la première fois. Elle n'a pas de valeur. Un sujet qui a déjà fait donc, des accès répétés, c'est-à-dire une goutte chronique, on peut trouver des signes articulaires et on va les voir quand même. Ok ? Pour les arthropathies erratiques, regardez, vous voyez les tophus, bon, ces tophus, ils peuvent fistuliser et donner, donc ils laissent sourdre créeuse, comme de la craie, d'accord. Et on a vu, d'accord. Vous voyez là, donc vous voyez donc une arthropathie urétique avec une fistulisation. Voilà, elle s'est fistulisée. Et regardez la substance blanchâtre qui sortait, c'est de l'acide, tout simplement. Ok, voilà. Et c'est donc ces focus, ils sont source aussi de surinfection secondaire. C'est pour ça qu'il faut traiter toute hyperuricémie. Donc symptomatique, d'accord, il va falloir la traiter. C'est clair? Donc pour ces accès articulaires, ils peuvent être aussi mono, oligo, polyarticulaires. Je me répète là-dessus, on en a déjà parlé. L'un peut être de couleur blanchâtre ou rougeâtre. Pardon? Peuvent être rouge ou blanche, la couleur. Les tophus, pour les tophus, non. C'est-à-dire la couleur de la blanche qui les recouvre quand c'est des tophus à des peaux intra-articulaires. Bon, vous avez des signes inflammatoires, une rougeur de la peau qui les recouvre. Mais si ces tophus manquent de volume, ils peuvent par la suite augmenter, percer la peau et fistuliser, d'accord, dans cette substance blanchâtre. C'est des rhodes acides. Comme de la craie. Ça ressemble à la craie, c'est la même chose, c'est comme de la craie que justement que vous grattez sur l'articulation du sujet. Et c'est des arthropathies très douloureuses, très destructives et très handicapantes. Très douloureuses, très destructives et très handicapantes. Ok ? Une autre. Regardez des tophus avec une peau de recouvrement qui est juste au bout. Ok. Mais si on la laisse, si on la traite pas, d'accord, elle risque de fistuliser et laisser sourdre dans ce cas-là une substance blanchâtre dessous la peau. Ok. Ça va régresser. Un peu de silence. Si on traite de façon précoce et efficace. Si on traite précocement et efficacement, on risque pas d'avoir donc ce type de lésion. Sauf pour certaines formes enzymopathiques où le traitement est très délicat des formes. D'accord ? Voilà. Alors pour la radiographie, donc je vous ai dit que l'accès aigu, la radio n'a pas un grand intérêt, généralement parce que les cristaux ils sont radiotransparents, mais il faut savoir quand même demander pour faire le diagnostic différentiel avec votre pathologie. Il faut faire donc telle qu'une arthrite septique, parce qu'une arthrite sceptique débute, elle a des signes donc, qui peuvent donc, orienter, donc, qui peuvent attirer notre attention. Une chondrocalcinose articulaire, dans ce cas-là, les cristaux de pyrophosphate de calcium, ils sont radio-opaques. Donc ça nous permet, si c'est une localisation, par exemple, une arthropathie aiguë pour la première fois qui touche le genou. Et le malade n'a aucun antécédent donc, à noter, à signaler. Bon, je suis dans l'obligation de faire une radiographie parce que bon, la radiographie, elle permet d'affirmer ou de confirmer le diagnostic d'une boule. Si la radiographie est revenue normale, d'accord, devant un tableau d'accès aigu typique de goutte, je suis en quelque sorte un peu orientée vers d'accord, une goutte. Si c'était une CCA, si c'était une chondrocalcinose articulaire, une CCA, donc, l'abréviation CCA. Si c'était une chondrocalcinose articulaire, dans ce cas-là, on va pouvoir objectiver des cristaux, d'accord, des calcifications, voilà, un aspect radio-opaque au niveau de l'interline articulaire et au niveau des ménisques. Et là, je suis orientée par rapport à ma monoarthrite ou bien mon arthropathie. Donc toujours, même si vous êtes certifié que c'est une goutte, première fois, faites toujours une radiographie, et la radiographie dans ce cas-là, il faut qu'elle soit comparative. J'insiste aussi là-dessus, en rhumatologie, vous serez généraliste un séjour, faites toujours, toujours, je dis bien toujours, même si le malade se présente pour une simple douleur d'un seul côté, et non pas de l'autre, du côté contralatéral, toujours demander des radiographies comparatives. Toujours. Et j'insiste là-dessus. Parce que, des fois, il y a des pathologies qui sont infraradiologiques à un stade de début. Quand on fait une radiographie du côté juste à part, je prends le cliché et je peux passer facilement à côté de ces lésions. Si je fais donc une radiographie comparative, cette radiographie comparative me permet de faire la comparaison et de détecter parfois des lésions infimes qui peuvent facilement orienter mon diagnostic. C'est clair, en rhumatologie, c'est pas comme en orthopédie, c'est pas la même chose du tout, d'accord ? Ce sont deux spécialités différentes, ok, ça n'a rien à voir. C'est une spécialité, c'est les frontières avec plusieurs autres spécialités. Elle est frontière avec l'orthopédie, elle est frontière avec la rééducation, avec la neurologie, avec la médecine interne, avec plusieurs, la cardio, attention, parce qu'on a des maladies articulaires. Ok. Donc c'est une spécialité qui n'a rien à voir avec l'orthopédie. En orthopédie, quand on a une fracture, c'est vrai, on fait juste un cliché, bon, qui peut donc, objectiver, voilà, une fracture ou bien autre chose. Mais en rhumatologie, il faut toujours faire des radiographies comparatives, quel que soit le motif de consultation du maître. D'accord, oui. C'est clair. Quand vous êtes devant une arthropathie chronique, dans l'accès aigu, on peut actuellement avec l'avènement de l'échographie ostéo-articulaire des parties molles, on peut s'aider par une échographie des parties molles qui peut nous visualiser dans ce cas-là des cristaux, un dépôt, d'accord, de cristaux qui peut nous orienter vers donc l'origine uratique de cette monoarthrite. D'accord. Sinon, donc, la radiographie, elle a un grand intérêt pour les arthropathies chroniques qui va montrer donc, des lésions de géo, encoche. Vous faites pas entre encoche et géo? Non. Une géo, donc c'est un tout, c'est un cercle, un petit cercle. D'accord. Une encoche, c'est la moitié. L'encoche, généralement, c'est la moitié d'une géode. D'une géode. D'accord. Ok. Donc, soit c'est des géodes, je vais vous montrer sur un cliché. Voilà. Regardez la collection. Bon, je vais montrer. Je vais montrer. Pardon. Bon. Regardez déjà l'aspect boursouflé. Regardez l'aspect boursouflé. L'aspect du souverain, regardez cet aspect, d'accord, de géodes confluentes, ok, c'est des géodes confluentes qui ont érodé la base de la première métatarsophalangienne, ce ce que vous voyez là, d'accord, c'est de l'acide urique, c'est un déposé, dépôt d'acide urique qui a érodé l'os. Ce que vous voyez là, c'est si ce calcique qui se rend avant, on peut voir bon, une petite calcification, bon, on s'en va. Mais sinon, ça, c'est d'acide urique qui a érodé l'os sous forme de, bon, de géode confluente avant. Et là, regardez là, ça c'est une encoche. C'est la moitié du géode. Ça c'est une encoche. Et ça donne ce qu'on appelle dans la goutte l'aspect typique, cet aspect-là, un aspect qu'on appelle un aspect donc, d'image en hallebarde. C'est très classique en hallebarde. Vous allez la trouver en hallebarde. Hallebarde. Image en hallebarde très spécifique à la goutte. J'attire aussi votre attention sur un point. Attention, les questions peuvent contenir des choses que j'ai rapportées dans le cours et que vous n'avez pas trouvées dans le cours copié. Je suis déjà habituée à faire ça. Ok ? C'est pour avantager en quelque sorte les gens qui assistent. Sincèrement. Je le fais pour les biens des gens qui assistent. Je pose des questions sur des données que j'ai données dans le cours et qui ne trouveront jamais sur le cours. C'est pour avantager les gens qui assistent. D'accord ? Donc, l'aspect en hallebarde. Madame, l'aspect en géode. C'est. Les géodes ? Bon. Ça, c'est du géode. Regarde. Ça, c'est du géode. J'ai de grosses. Pardon ? Ça, c'est des géodes confluentes. Géodes, seulement, et ils ont érodé tout l'os. Okay. Secondairement, à long terme, on peut donc assister à des arthropathies dégénératives, c'est-à-dire, vous avez un peu de silence, s'il vous plaît. On assiste à une destruction du cartilage, d'accord, par la suite. Vous avez une inflammation chronique qui va secondairement altérer le cartilage. D'accord, articulaire, et des signes d'arthrose secondaire qui vient se greffer sur une arthropathie douteuse. Donc, telle que une condensation de l'os sous chondrin, ce que vous voyez là, c'est l'aspect condensé. Et là, pour pouvoir juger, normalement, il faut voir une radiographie normale. Il faut s'habituer à voir des radiographies normales. D'accord ? Pour pouvoir détecter tout ce qui est anomalie. Ok ? Ça, c'est une compensation de l'eau sous chondrin. Ce que vous voyez là, sous forme de bec, qu'on appelle des ostéophies. Des ostéophies. Oui. Donc, c'est l'apanage des arthroses chroniques. D'accord ? Avec une destruction de l'internie articulaire, un pincement. On dit pincement de l'internie articulaire, on ne dit pas tassement de l'internie articulaire. On dit pincement de l'internie articulaire. Tassement, c'est quoi ? C'est le blanchisme. C'est un terme spécifique au verre. Un écrasement de graisse. Voilà, un écrasement. Que ça soit traumatique ou pas traumatique. Mm. D'accord, c'est clair ? حسيتها متقسمة وجبت له جسمها ودرت والله يكلوا فيا généralement donc on a dit que c'est l'apanage des sujets hyper éliminateur d'acide urique, d'accord, voilà. Donc, délitiase, à répétition, c'est des sujets qui vous rapportent la notion de colique néphrétique et toujours cédé par l'analyse donc, des cristaux éliminés. Et l'acidité urinaire joue un rôle important. Des urines acides favorisent la précipitation des cristaux d'urate de sodium au niveau urinaire. D'où l'intérêt de toujours alcaliniser les urines par quoi ? Bicarbonate. Voilà, de bicarbonaté. Bon, on a ce qu'on appelle au Vichy. Donc, dans le traitement du malade, donc dans le traitement On a l'hyperhydratation, l'hyperhydratation pour favoriser l'élimination donc, de l'acide urique et donc, en quelque sorte freiner le dépôt d'acide urique au niveau intestinal. Et donc, dans, cette, dans ce schéma de, d'hyperhydratation, toujours, si c'est un schéma de 2 à 3 litres, toujours conserver donc, 500 ml pour donc, de l'eau bicarbonatée qui va alcaliniser les urines et qui va donc en quelque sorte empêcher le dépôt d'acide urique au niveau tubulo-interstitiel, au niveau rénal. D'accord. Bien sûr, pour la chronisation, en dehors d'acheter, hein, si c'est un sujet hypertendu, il va falloir équilibrer sa tension artérielle en rénal, parce que l'eau bicarbonatée risque de donner des pics de tension. D'accord. Et vous avez la néphropathie aussi. Vous avez la néphropathie donc, qui est donc, il y a la forme oligo-anurique aiguë chez un sujet méconnu de voûte, chez qui donc, on découvre donc une forme d'insuffisance rénale aiguë. Pourquoi ? Vous avez un dépôt donc, d'acide urique qui a obstrué carrément donc, voilà, le tube rénal, voilà, et ça donne ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë anurique d'origine goutteuse. Okay. Sinon, c'est des sujets chez qui vous allez trouver donc une protéinurie, une hématurie, une leucocyturie. D'accord. Il faut savoir, donc c'est des sujets qui sont, donc le pronostic vital est mis en jeu. Il faut savoir équilibrer, même en l'absence d'hyperglycémie, d'accord, patente, donc de donner des traitements de foie afin de bien sûr, minimiser limiter ces dégâts rénaux. C'est clair? Bien sûr, le diagnostic postique repose sur la clinique, la radio, la biologie, l'hyperglycémie. L'hyperglycémie qui peut manquer au cours de l'accès aigu, savoir répéter l'examen. Le raturie de 24 heures, donc normalement elle ne doit pas excéder les 650. 700 et au-delà, on parle du panier raturie. Et là, ça prédit des sous de. D'une certaine catégorie de malades qui sont susceptibles de faire des complications rénales, donc la prise en charge doit être très serrée avec ce type de malade, donc hyper éliminateur d'acide urique. C'est clair? Bien sûr, ma recherche de la réseau sociale, ici on vient. Alors le diagnostic différentiel, devant un accès aigu, savoir éliminer en primo-mouvance, c'est le premier diagnostic qu'il va falloir éliminer. En second lieu, donc je ne reviens pas, bien sûr, j'insiste sur la culture du liquide de ponction. Et en deuxième lieu, vous avez la chondrocalcinose articulaire. Et là, pour la chondrocalcinose articulaire, voilà, elle peut toucher bien sûr le rachis. Attention, le rachis et la hanche, c'est à des stades aussi très avancés. On peut tomber sur un malade qui fait juste une opération, juste une atteinte au niveau du genou. D'accord ? C'est pas stéréotypé la médecine, ma chérie. Donc, il faut savoir, le tableau, il est différent d'un malade à un autre. Ok. Donc, pour la chondrocalcinose articulaire, premièrement, dans la ponction, le liquide de ponction, avec une étude cytologique, c'est des cristaux de pyrophosphate de calcium, forme carrée ou bien rectangulaire, et qui ne sont pas le réfrangeant à la lumière, polarisés, d'accord. Et sur la radiographie, c'est des cristaux qu'on arrive quand même à visualiser après un certain temps d'évolution de l'arthropathie dans le cadre de la chondrocalcinose articulaire. Vous avez aussi le rhumatisme hydroxyapatie. Pour le rhumatisme hydroxyapatie, c'est une entité donc, qui est caractérisée par un dépôt de cristaux donc d'hydroxyapatite cette fois-ci. Donc pour la goutte, c'est des cristaux d'urate de sodium. Pour la chondrocalcinose, c'est des cristaux de pyrophosphate de calcium. Pour le rhumatisme hydroxyapatite, c'est des cristaux donc d'apatite, donc à hydroxyapatite, c'est comme ça que ça s'appelle, d'accord. Et ces cristaux, donc ils se déposent préférentiellement au niveau tendineux. Préférentiellement, donc le site de préférentiel, c'est en PLI, c'est une atteinte périarticulaire. C'est-à-dire, on peut faire, donc un tableau généralement, donc il touche préférentiellement, c'est un massage qui touche préférentiellement les épaules et les hanches, d'accord. Et le tableau clinique, c'est des tableaux de tendinopathie hyperalgique. On a un dépôt dans l'hypoxiapathie qui va donner un tableau. Pourquoi on l'a mis dans le diagnostic différentiel? C'est le type donc, de tableau clinique qui va en quelque sorte prêter confusion avec une goutte. Question de localisation, pour la goutte, elle touche rarement les épaules. L'hydroxyapatite, il touche préférentiellement les épaules et les hanches. D'accord, mais il peut toucher les poignets, les petites articulations, mais préférentiellement les épaules. Et la tête, elle est périarticulaire. Et là, vous allez objectiver carrément donc, des calcifications au niveau péritendineuse ou bien au niveau du tendon même. D'accord, qui peuvent disparaître au fil de l'évolution, comme ils peuvent rester, et là le traitement peut être chirurgical pour extirper ce type de calcification. D'accord. Devant les arthropathies chroniques, donc on peut penser à un patient qui se présente avec une polyarthrite chronique ou bien une osteoarthrite, on est en droit de se penser à plusieurs pathologies inflammatoires. Donc, on commence par les spondylarthropathies, qui englobent la spondylarthrite, vous allez voir beaucoup, le rhumatisme psoriasique, le rhumatisme des enterophoropathies, maladie de Bessel, la maladie de Hib, les arthrites réactionnelles. Donc, pourquoi? Parce qu'on a une atteinte pour ce type de rhumatisme, on a une atteinte élective pour les membres inférieurs. Et on a une atteinte élective pour la cheville, le talon, les tendons, d'accord, le tendon d'Achille, le genou. Donc le tableau clinique, il peut débuter de la même manière, aussi bien dans la goutte que dans les spondylarthropathies. Ok. Pour la polyarthrite rhumatoïde, vous avez vu tout à l'heure, une arthropathie pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est un rhumatisme qui touche électivement les parties distales, qui touche principalement les petites articulations. Il peut toucher l'ensemble des articulations. Donc, et vous avez un stade de début quand on n'a pas encore de tophus apparent ou bien, on peut tomber sur un malade qui se présente pour une polyarthrite aiguë ou bien chronique. D'accord. Et là, il va falloir aussi penser à une polyarthrite boutose et surtout si c'est un sujet prédisposé à toujours doser l'acide urique. Ok. Toujours la maladie des selles, toujours dans le cadre d'une affaire de polyarthrite. Ok. Alors, on arrive au volet thérapeutique. Le volet thérapeutique. Donc, il y a deux types de prise en charge. Vous avez la prise en charge de l'accès aigu et vous avez la prise en charge de l'accès chronique. Ok. Pour l'accès aigu, après avoir procédé à toutes les étapes dont on a parlé. Le traitement, comme on l'a dit, il repose sur la colchicothérapie. La colchicothérapie qui reste un test thérapeutique à la fois. Vous avez un schéma, d'accord, bien sûr, à entreprendre devant tout accès aigu. Donc le schéma, généralement, il est stéréotypé, mais on commence un petit peu à revenir là-dessus, surtout si c'est un sujet qui présente une insuffisance rénale, parce que la colchicine, elle a des effets secondaires sur le plan rénal et elle est contre-indiquée si le patient présente une insuffisance rénale. Ok. Bon, la colchicothérapie, les doses, devant tout accès aigu, le schéma est stéréotypé, J1, un comprimé 3 fois par jour au milieu des repas. Et comme c'est une molécule qui est très gastro-irritable, d'accord, il faut toujours l'associer avec un IPP. Toujours. Voilà. Elle peut engendrer, elle peut avoir des effets secondaires, même sur le plan intestinal, un type de diarrhée, de ténèse, et tout. Toujours donner des traitements symptomatiques associés. Ok. Donc J1, 3 comprimés, J2, J3, 2 comprimés, donc midi, le soir. À compter de J4, on donne un comprimé. Et c'est un traitement de la crise de goutte, c'est vrai, mais c'est un traitement qui doit être maintenu Si c'est un patient dont la durée du traitement, généralement, elle est de 1 mois, 2 mois pour une crise aiguë. Et si c'est un patient qui est déjà au stade de chronicité, chez qui vous prévoyez déjà l'instauration d'un traitement de fond, dans ce cas-là, la cochicothérapie va se poursuivre, d'accord, avec c'est-à-dire le traitement de fond se fera sous couvert de la cochicothérapie. Pourquoi ? S'il y a quelqu'un qui peut me répondre à cette question-là. Le traitement de fond, une fois instauré, il doit se faire sous couvert de la colchicothérapie, c'est-à-dire sous traitement donc, de la colchicine. Pourquoi ? Les accès. C'est surtout les accès. Parce qu'avec l'instauration des traitements de fond, on a une mobilisation de l'acide urique. Et cette mobilisation de l'acide urique risque de causer des crises. Alors, le traitement de fond doit se faire toujours sous couvert de cette colchicothérapie, c'est-à-dire donc, c'est un traitement qui peut se poursuivre sur une durée de 3 à 6 mois sans problème. Ok, bien sûr, avec une surveillance, bien sûr, impérative, surtout donc, rénale, impérative, donc la fonction rénale, la créatininémie. D'accord, il faut vraiment la surveiller et les doses seront ajustées en fonction de la créatininémie. Bien sûr, la dose d'entretien, c'est un comprimé jour, au milieu du repas, de midi ou bien le soir. Mais si c'est un patient au stade d'insuffisance rénale, on peut la donner à jour alterné, c'est-à-dire donner une journée, ne pas donner une journée. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, chacun, c'est un patient à traiter à part. On ne peut jamais superposer la prise en charge de deux patients, même s'ils sont jumeaux, on ne peut jamais superposer leur prise en charge en rhumato et dans toutes les autres spécialités. Il n'y a pas de prise en charge stéréotypée. Ok ? Oui. D'accord ? Bon, le traitement de l'accès aigu, il repose sur, bien sûr, donc, la cochicothérapie. Donc, en cas d'intolérance, il y a des patients qui ne tolèrent pas la cochicine. C'est des patients qui reviennent avec des vomissements, des douleurs intestinales, abdominales, même sous couvert d'IPP et sous couvert de pansements intestinaux, ils ne tolèrent pas la cochicine. Maintenant, on la remplacer avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens à dose physiologique pour chaque sujet. D'accord ? Des antalgiques, si le patient a une douleur intense, on peut encore renforcer le traitement avec des antalgiques. Les corticoïdes, dans ce cas-là, généralement, ils n'ont pas de place. Mais si c'est un patient qui présente des antécédents d'ulcères, chez qui la colchicine et les anti-inflammatoires sont contre-indiqués, on est autorisé de donner un traitement à base de corticoïdes, quoique l'effet sera amoindri par rapport aux autres, d'accord ? D'accord ? On est aussi autorisé de faire des infiltrations, aussi dans ce cas-là, si c'est une articulation qui reste gonflée, qui reste très douloureuse, on peut fonctionner après une étude cytobactériologique du liquide et affirmation diagnostique, on peut faire des infiltrations loco-régionales, bien sûr, de façon scientifique, bien sûr, sans jamais dépasser les limites. Ok, à côté de ça, bien sûr, pour la crise aiguë, Paul, vous avez des moyens physiques à faire chez le malade. Limiter la mobilité de l'articulation touchée, pose de vessie de glace pour essayer de refroidir et un effet antalgique de la cryothérapie en elle-même, d'accord, l'effet antalgique majeur, je dis bien majeur de la cryothérapie, donc des vessies de glace, et un régime alimentaire. Le régime alimentaire, là, il est impératif, d'accord. Il est impératif que ce soit pour la goutte aiguë ou bien pour la goutte chronique. C'est un régime qui peut, pour l'accès aigu, pour quelqu'un qui fait pour la première fois un accès, sans antécédent, d'accord, les hyperglycémies, et sans atteinte chronique, le régime à lui seul peut suffire, des fois, d'accord. Et c'est des sujets à recontrôler de façon régulière. Bien sûr, contrôler l'acide urique et l'état articulaire. Donc le régime alimentaire, il repose, donc c'est un régime qui sera pauvre en purine, d'accord. Bon, pour l'accès aigu, généralement, un régime sans purine, c'est-à-dire que des légumes chez le patient, bien sûr. Par la suite, on peut se permettre, mais c'est un régime qui sera pauvre en purine, c'est-à-dire tous les aliments riches en purine. Il faut essayer de minimiser donc, la consommation Même la sauce en elle-même, c'est-à-dire on peut faire une sauce de viande, d'accord, ou bien une sauce de sardine. C'est-à-dire si on enlève donc la viande et on laisse la sauce, elle contient des protéines et la sauce en elle-même, elle risque de causer des cris de route. Ok? Pardon? Alors pour la durée du régime, si c'est un patient qui fait pour la première fois un accès aigu, bon, il y a des crises de goutte, une petite parenthèse là-dessus, il y a des crises de goutte qui peuvent survenir une seule fois dans la vie chez un patient qui s'est suralimenté, qui a fait un traumatisme, bon, il est susceptible à faire, mais il l'a fait juste une seule fois. Vous faites un régime durant 3-6 mois, d'accord? C'est pas stéréotypé, je me répète, c'est pas stéréotypé la prise en charge. Alors, vous faites un régime chez ce malade. Si vous voyez que le régime à lui seul a ramené le taux d'acide urique après au norme, je maintiens le régime hypopurinique, donc pauvre en purine, hypocalorique pour éviter aussi donc, la prise de poids et tout ce qui peut favoriser donc, l'excès en acide urique. D'accord? Donc, c'est un régime normalement, comme on dit, à vie. Sauf pour les sujets qui font des gouttes, des fois, il y a des formes éphémère, accidentelle, une hyperglycémie qui ne va plus, on la refaire après, même avec un régime normo-purinique, c'est des sujets qui peuvent revenir. Mais c'est à vous de surveiller votre malade de façon régulière et de prédire, donc de prédire et de le classer. Il fait partie de telle ou telle ou telle classe et de là vous allez donc juger de votre régime. Okay? Bien sûr, par la suite, on ne peut pas. Donc, demandez aux malades de s'abstenir totalement. Il n'y a plus de régime restrictif, absolu. D'accord? C'est-à-dire, par la suite, on peut se permettre, mais de façon raisonnable. Une fois par quinzaine, une fois par dizaine de jours, une fois par quinzaine, mais un petit morceau de viande. Ok? Ou de sardine, ou bien de gibier, ou bien d'autre chose. Ok? Voilà, donc le régime alimentaire donc, s'applique pour toutes les formes, okay, et pour l'accès aigu, c'est un régime sans purine, mais par la suite, c'est un régime toro-purine. Okay. Pour le traitement de fond, il s'adresse à une certaine catégorie de personnes, d'accord, c'est donc, les, formes qui font, les sujets qui font des groupes à répétition. Généralement, actuellement, on dit que au-delà de deux crises, il va falloir traiter de façon chronique le malade. De crise et au-delà, il faut traiter. Dans certains ouvrages, vous allez trouver donc la deuxième crise, dans cet ouvrage que j'ai trouvé personnellement, on peut encore garder le malade en surveillance. On traite la crise et on garde le malade en surveillance, bien sûr. Mais s'il a des facteurs, attention, aggravants, on doit traiter dès la première crise. Donc, le traitement de fond, crise à répétition, ou bien crise accompagnée d'une goutte chronique. Ok? Voilà. Le traitement, on a deux volets thérapeutiques. On a bon, des traitements qui vont inhiber la sécrétion de la synthèse, qui vont inhiber la synthèse des purines, et on a des traitements qui favorisent l'élimination de l'acide urique. Pour les traitements qui favorisent l'élimination de l'acide urique, ils sont presque retirés du marché. Ils sont plus d'usage pratique. Pourquoi? Parce que c'est des médicaments qui favorisent la formation de quelques érémies. D'accord? C'est des médicaments qui favorisent la formation de quelques érémies. D'ailleurs, chez un sujet qui a des antécédents de lithiase urique ou bien de néphropathie urique, d'accord? C'est contre-indiqué. C'est une contre-indication absolue. Hein? Ou bien il fait une hyperuricémie, même en l'absence. Même une hyperuricémie en l'absence, d'accord, d'antécédents de lithiase ou de néphropathie, c'est contre-indiqué dans les urépolitiques. Ok? Donc, le traitement, il est basé principalement sur les médicaments qui inhibent la synthèse de l'acide urique. Et vous avez en chef de file, vous avez l'allopurinol, le zilopurinol. Allo, c'est avec A d'emblée, c'est pas avec H. Allopurinol, vous allez trouver ça détaillé dans le cours. L'allopurinol qui est donc le traitement d'appoint, d'accord, des formes chroniques, bien sûr, pour la dose. Pour la dose, la durée, généralement, c'est un traitement de durée illimitée. Pour la dose, alors la dose de l'acide urique dépend du taux de l'acide urique dépend de l'état du malade, d'accord, de la forme dans laquelle, en quelque sorte, le tableau dans lequel il se présente. C'est des comprimés à 100 et la dose va de 100 à 300 mg. Et aussi, donc, si le patient présente ou non des antécédents, donc, bien une insérina sous-jacente ou non. Ok, donc l'ajustement thérapeutique se fera en fonction de tout ça. Et c'est pas stéréotypé aussi. Bien sûr, ce traitement de fond, je répète, il se fait sous couvert de la colchicine. Toujours adjoindre la colchicine à la dose de 1 mg, à dose d'entretien, 1 mg, sur une durée minimum de 2 à 3 mois pour minimiser le risque de crise aiguë de goutte. C'est clair? Bon, il y a des fonds qui résistent à l'acide urique, à l'alendronate. On a d'autres médicaments et on a actuellement le febuxostat. Il n'est pas encore disponible chez nous, le dénurique, d'accord? Mais qui aussi, même lui-même, c'est-à-dire le plus utilisé à l'échelle mondiale, c'est l'alendronate. Le febuxostat, il a un usage limité parce que il est très mal toléré généralement sur le plan général et digestif. Et il a beaucoup de contre-indications sur le plan cardiovasculaire. Donc c'est un médicament qui est généralement peu limité, peu utilisé. Voilà. À côté de tout ça, le régime alimentaire, à lui seul, je le répète, il peut ramener les chiffres d'acide urique à des taux normaux. Donc il faut insister auprès des malades sur... C'est des choses sur lesquelles on insiste peu sur les malades, sincèrement. C'est tout. C'est quand pour le diabète. On ne se donne plus la peine d'expliquer au malade son régime, ni de lui dire comment il faut faire, comment il s'alimente. On ne se donne plus la peine. C'est la même chose pour la goutte. Les gens ne s'attardent plus sur ça. Tout le monde est pressé. C'est tout le monde qui est pressé de partir. Et je vois que vous êtes pressé de partir et on commence à s'ennuyer. D'accord, c'est bon. Normalement, pour la prise en charge, pour l'évolution, c'est au cas par cas. Ok, voilà. Merci. Globalement, je vous ai donné l'essentiel. Est-ce que vous avez des questions à poser? Merci. Non. Bon. Merci. Délégué.